simplifié quand tu pilotes un prototype pour assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Oh ma fiosa, oh ma fiosa. Aspi, si tu traînes dans un vase. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Eu tô bem, tô bem.